Accroché à un arbre solitaire et presque desséché, le Victoria passait la nuit dans une tranquillité parfaite. Vers le matin, le ballon s'éleva dans les airs. Un courant le porta vers le nord-ouest. « Nous n'avançons plus, dit le docteur. Nous avons accompli la moitié de notre voyage. Mais, au train dont nous marchons, il nous faudra des mois pour le terminer. » Les derniers incidents avaient considérablement modifié la disposition d'esprit des trois voyageurs. Ils parlaient moins, ils s'absorbaient davantage dans leurs propres pensées. L'aspect de cette partie de l'Afrique était inquiétant d'ailleurs. Le désert se faisait peu à peu. Cependant, on ne pouvait reculer. Il fallait aller en avant. Mais, à la fin de cette journée, le Victoria n'avait pas franchi 30 milles. Il risquait de manquer d'eau. Trois jours plus tard, se dirigeant vers un nuage, les voyageurs croient voir un autre ballon. Mais ce n'était qu'un effet de mirage. Le docteur désespéré se rapprocha du sol. Vers 4 heures, Joe signala un objet en relief sur l'immense plateau de sable. Il put affirmer bientôt que deux palmiers s'élevaient à une distance peu éloignée. Ferguson prit une lunette et s'assura que les yeux de Joe ne le trompaient pas. « Enfin, répéta-t-il, de l'eau, et nous sommes sauvés !» À 6 heures, le Victoria planait au-dessus des palmiers. Il prit terre, Joe et Kennedy coururent au puits, mais la source était tarie depuis longtemps. Le docteur sentit qu'à partir de ce moment, il devrait avoir du courage et de l'énergie pour trois.